La connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure est du domaine de l'invisible que seul Allah Azawajal connaît, comme le prouvent les versets coraniques et les traditions prophétiques. La connaissance de l'heure est une chose qu'Allah Azawajal s'est réservée. Il ne l'a dévoilée à aucun ange rapproché, ni à aucun prophète envoyé. Personne donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait quand l'heure arrivera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait souvent la fin du monde et ses affres. Les gens le questionnaient au sujet de son terme, mais il leur disait qu'il s'agit d'un événement du domaine de l'inconnu que seul Allah Azawajal connaît. De plus, les versets coraniques étaient révélés soulignant que la connaissance de l'heure est une science dont Allah Jalla Jalalu a gardé le secret. Parmi ceux-ci, il y a la parole d'Allah Azawajal. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat al-A'raf, verset 187. Allah Azawajal ordonne donc à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens que la connaissance de l'heure appartient exclusivement à Allah. C'est lui qui connaît sa réalité et quand elle surviendra. Aucun habitant des cieux et de la terre ne le sait. Allah Azawajal dit à ce propos, « Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. » Surat al-Ahzab, verset 63. Allah Azawajal dit encore, « Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? En quoi es-tu apte à en parler? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. » Surat al-Nazi'at, versets 42 à 44. La connaissance du terme de l'heure appartient donc à Allah seul. C'est pour cela que quand Jibril, alayhi salam, questionna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du terme de l'heure, comme il est mentionné dans le long hadith de Jibril, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. » Jibril, alayhi salam, ne sait en effet pas quand viendra l'heure. De même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, Isa ne connaît pas le terme de l'heure, bien qu'il descendra vers la fin des temps, ce qui est l'un des grands signes de la fin du monde, comme nous le verrons plus loin. L'imam Ahmed, Ibn Majah et Al-Hakim rapportent selon Abdallah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai rencontré la nuit du voyage nocturne Ibrahim, Moussa et Isa. » Il dit « Ils se rappelèrent l'heure et s'en remirent à Ibrahim, alayhi salam. Celui-ci dit, « Je n'en ai aucune science. » Ils s'en remirent alors à Moussa, alayhi salam, mais il dit, « Je n'en ai aucune connaissance. » Ils s'en remirent enfin à Isa, alayhi salam, et lui de dire, « Quant à sa venue, personne d'autre qu'Allah ne la connaît. Et parmi ce qu'Allah m'a révélé, il y a que le faux Messie apparaîtra. Il dit, « J'aurai deux bâtons et lorsqu'il me verra, il fondra tel le plomb. Il dit, c'est alors qu'Allah le fera périr. » Ainsi, même ces messagers doués de fermeté ne savent pas quand arrivera l'heure. L'imam Muslim rapporte d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire un mois avant sa mort, « Vous me questionnez au sujet de l'heure, mais sa connaissance est auprès d'Allah. » Je jure par Allah qu'il n'y a maintenant sur terre une âme vivante qui dépassera 100 ans. Ce hadith réfute donc la supposition que sa connaissance soit détenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que Jibril alayhi salam l'ait questionné à ce sujet. Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Voici donc que le prophète illettré, le maître des messagers, et le dernier d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, le prophète du repentir, le prophète de la conflagration, le dernier, l'ultime, celui qui rassemble, celui derrière qui les gens seront rassemblés, bien qu'il dit comme il est mentionné dans le Sahih, d'après le hadith d'Anas et Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhuma, j'ai été envoyé et l'heure comme ces deux-ci, joignant l'index et le majeur. Malgré tout cela, Allah Azawajal lui a ordonné de lui attribuer la connaissance de l'heure quand on le questionna à son sujet et dit, Allah Azawajal a dit, قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Dis, seul Allah en a connaissance, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Al-A'raf, verset 187. Quiconque prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le terme de l'heure est un ignorant, car les versets coraniques et les hadiths prophétiques cités plus haut réfutent cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « L'un de ceux qui prétendent à notre époque adhérer à l'anscience ont fait preuve de mensonge, en se vantant de ce qu'il n'a pas, en affirmant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait le terme de l'heure. On lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara dans le hadith de Jibril alayhi salam « Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. » Alors il détourna cela de son contexte en disant que cela signifie « Moi et toi le savons ». Cela relève de la plus grande ignorance et de la pire falsification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît assez Allah azawajel que pour dire à quelqu'un qu'il croit être un bédouin, « Moi et toi connaissons l'heure ». Sauf si cet ignorant dit « Il savait qu'il s'agissait de Jibril, alayhi salam ». Cependant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est digne de confiance quand il dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, il ne m'est apparu sous aucune forme sans que je le reconnaisse, si ce n'est sous cette apparence. » Dans une autre version, « Je n'ai été perplexe que cette fois-ci. » Dans une autre version encore, « Rapportez-moi le bédouin. » Ils partirent et cherchèrent mais ne trouvèrent personne. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sut qu'il s'agissait de Jibril alayhi salam qu'après un certain temps. Comme dit Omar, radiyallahu an, après un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Omar, sais-tu qui est le questionneur ?» Mais notre falsificateur dit « Au moment du questionnement, le prophète savait qu'il s'agissait de Jibril. » En vérité, il n'a informé les compagnons de cela qu'après un certain temps. Quant à sa parole dans le hadith, « Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur, il en va de même pour tout questionneur et questionné au sujet de l'heure. » En outre, il est insensé de citer ces signes et d'en informer le questionneur s'il en a déjà connaissance, sans oublier que celui-ci n'a pas posé de questions à propos de ces signes. Plus étrange encore est la parole citée par As-Suyuti dans Al-Hawi après avoir répondu à la question suscitée par le hadith bien connu des gens mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne resterait pas plus de 1000 ans dans sa tombe. Il dit, et je réponds en disant qu'il est faux, qu'il n'a aucun fondement. Il souligna après avoir rédigé à ce propos un livre, il dit « Premièrement, les textes montrent que cette communauté dépassera le cap du millénaire, mais qu'elle n'ira pas plus loin que 500 années en plus, car il est rapporté, selon diverses voies, que le terme de la vie terrestre est de 7000 ans, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au terme du 6e millénaire. » Il entama ensuite des calculs selon lesquels il conclut qu'il est impossible que le terme de cette communauté soit de 1500 ans. Puis il cita les hadiths et les textes sur lesquels il s'est basé à ce sujet. Parmi cela figure ce que rapporte At-Tabarani dans Al-Kabir, d'après Ad-Dahhak ibn Zaml al-Juhani, qui dit « J'ai fait un rêve et je l'ai conté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il cita alors le hadith dans lequel il dit « C'est alors que j'étais avec toi, ô messager d'Allah, sur une chaire à 7 marches, et tu te trouvais sur la plus haute des marches. » Et lui de dire sallallahu alayhi wa sallam « Quant à la chair à 7 marches que tu as vue et sur laquelle j'étais sur la plus haute, il s'agit de la vie terrestre, qui est de 7000 ans, et je suis dans le dernier millénaire. » Il mentionna qu'Al-Bayhaqi le rapporta dans Ad-Dala'il, et qu'As-Suhayli souligna que la chaîne de transmission du hadith était faible, mais qu'il est rapporté en s'arrêtant à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, par diverses voies authentiques. Aussi, Al-Tabari juge cette notion authentique et l'appuie par des textes. As-Suyuti rahimahullah s'attarda ensuite à expliquer le sens des propos. « Et je suis dans le dernier millénaire, c'est-à-dire la majeure partie de la communauté fait partie du 7e millénaire pour confirmer ce que l'on citera plus loin et qu'il a été envoyé à la fin du 6e millénaire. S'il avait été envoyé au début du 7e millénaire, les grands signes tels que le faux messie, la descente de Isa et le lever du soleil de son couchant se seraient déjà produits il y a plus de 100 ans pour que l'heure arrive à la fin du millénaire. Mais rien de cela n'a été constaté, ce qui prouve que le reste du 7e millénaire à venir est de plus de 300 ans. » De manière concise, voilà les propos d'As-Suyuti, rahimahullah. Ils sont contraires à ce qui est explicite dans le Coran et les hadiths authentiques mentionnant que personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît la durée de la vie terrestre. Si nous connaissons cette durée, nous saurions quand viendrait l'heure, mais nous savons, en tenant compte des versets coraniques et des hadiths prophétiques cités auparavant, que personne ne connaît le terme de l'heure, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela, le vécu rejette cette supposition. Car nous nous trouvons au début du 15e siècle de l'Hégire, le faux Messie n'est pas apparu et Isa n'est pas descendu. As-Suyuti rahimahullah avait mentionné que le faux Messie apparaîtrait après un siècle, que Isa descendrait pour le tuer et resterait sur terre 40 ans, que les gens resteraient après le lever du soleil de son couchant 120 années et qu'il y aurait entre les deux souffles dans la trompe 40 ans. Il faut pour tout ceci 200 ans. Ainsi, selon ses propos, si le faux Messie devait apparaître maintenant, 200 ans devraient s'écouler. L'heure viendrait donc après 1600 ans. Ceci démontre l'invalidité de tous les hadiths précisant le terme de la vie terrestre. Ibn al-Qayyim rahimahullah cita dans son livre Al-Manar ul-Munif quelques règles absolues par lesquelles l'on reconnaît que le hadith est inventé. Il dit « Parmi cela, il y a la contradiction du hadith avec ce qui est explicite dans le Coran, tel que le hadith de la durée de la vie terrestre, précisant qu'elle est de 7000 ans. Nous nous trouvons dans le 7e millénaire et c'est l'un des mensonges les plus évidents, car si cela était authentique, chacun saurait qu'il ne nous resterait avant la fin des temps que 251 années. » Ibn al-Qayyim rahimahullah a vécu au 8e siècle de l'Hégire, et il dit ces paroles « Plus de 652 ans se sont écoulés après qu'il ait dit cela, mais la vie terrestre n'est toujours pas finie. » Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Ce que l'on trouve dans les livres des Juifs et des gens du livre précisant les milliers et 200 années qui se seraient écoulées, plus d'un savant a souligné à ce propos leur erreur dont ils sont dignes et qu'ils méritent. Il est rapporté dans un hadith « La vie terrestre est un vendredi des vendredis de l'au-delà. » Sa chaîne de transmission aussi n'est pas authentique. Ainsi que tout hadith précisant le terme du jour de la résurrection, sa chaîne de transmission n'est pas confirmée. Comme il est vrai que personne ne sait quand viendra l'heure, il est également vrai que personne ne sait quand apparaîtront les signes de l'heure. Tout ce qui mentionne que telle année, il y aura tel événement, et qu'à telle année, il se produira telle chose n'est pas authentique, car la datation n'a pas été instaurée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, par un effort de déduction de sa part. Il a fait de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine son début. Al-Qurtubi rahimahullah dit « Les prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des troubles et des événements qui se produiront, en les plaçant dans le temps avec une date précise, nécessitent une version authentique autant tout doute. Cela est semblable au terme de l'heure. Personne ne sait en quelle année cela se produira, ni en quel mois. Ce sera un jour de vendredi, en fin de journée. C'est le moment durant lequel Allah a créé Adam, alayhi salam. Mais dire de quel vendredi il s'agira, personne ne connaît cette précision en dehors d'Allah seul, sans associer. De même pour les signes, la précision dans le temps n'est pas connue, et Allah sait mieux. La proximité de la venue de l'heure. Les versets coraniques et les hadiths authentiques prouvent la proximité de la fin des temps. De plus, l'apparition de la plupart des signes est la preuve de sa proximité, et que nous vivons les derniers moments de la vie terrestre. Allah Azzawajal a dit « Le règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. » Surat al-Anbiya, verset 1. Allah Azzawajal dit encore « Qu'en sais-tu? Il se peut que leur soit proche. » Surat al-Ahzab, verset 63. Il dit encore, Subhanahu wa ta'ala, « L'heure approche et la lune s'est fendue. » Surat al-Qamar, verset 1. Allah Azzawajal dit encore, « Il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. » Surat al-Ma'arij, verset 6 et 7. Ainsi que d'autres nombreux versets, prouvant la proximité de la fin de ce monde terrestre et le passage à une autre demeure, pour que chaque personne obtienne la rétribution de ses actes, le bien pour un bien et le mal pour un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-ci, en indiquant les doigts en question et en les tendant. » Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « J'ai été envoyé à l'avènement de l'heure. » Il dit également sallallahu alayhi wa sallam « Votre terme en comparaison au terme des communautés qui ont précédé se situe entre la prière d'Al-Asr et le coucher du soleil. » Ibn Omar, radiyallahu anhuma, dit « Nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le soleil avait atteint Qu'ayqi'an, une montagne au sud de la Mecque, après Al-Asr. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Votre durée de vie en comparaison à celle de ceux qui sont passés est comparable à ce qui reste de la journée relativement à ce qui s'est déjà écoulé. » Cela prouve que ce qui reste en comparaison de ce qui s'est déjà écoulé est peu, Mais personne ne connaît la durée de ce qui est passé sauf Allah. Rien dans la chaîne de transmission serait authentique, jusqu'à l'infaillible, n'a été mentionné pour pouvoir s'y baser et savoir ce qui reste proportionnellement à ce qui s'est passé. Mais ce n'est que très peu comparé à ce qui s'est déjà écoulé. Rien n'est plus clair pour démontrer la proximité de l'heure que sa parole. J'ai été envoyé, moi et l'heure ensemble. Peu s'en est fallu qu'elle ne m'ait dépassé. Cela montre bien la grande proximité entre sa venue et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il eut peur qu'elle ne le dépasse de par sa forte proximité.